Bonjour. Bon, encore des réactions. Il y en a à faire là, avec ce qu'on a appelé la sélectivité. Il avait été dit, vous pouvez être sélectif, mais il faut au moins avoir un certain respect, c'est-à-dire au moins faire une tentative que la personne comprenne pourquoi. Puis là, c'est rendu même, il y en a qui me réclament d'être barré. On va regarder ça ensemble. Puis bon, le problème, c'est que même si on fait une tentative pour essayer d'expliquer, appliquer sur des affaires nécessairement, si c'est pas vu, ça sera pas compris. Ça sera pas compris au niveau de l'intellect. Donc, monsieur Alex Leduc, il m'accuse, il dit, t'as remplacé la parole de Dieu par la parole de BDM. C'est pas mon genre de mélanger des choux puis des carottes, là. Hein? En disant, ben, c'est la même affaire, étant donné que c'est des légumes les deux, là. En tout cas, je considère que non, là, ça n'a pas rapport, chaque chose à sa place. Le pire, c'est comme quelqu'un qui accuserait des catholiques de dire t'as remplacé la parole de Dieu par les philosophies des théologiens comme saint Thomas d'Aquin. Tandis que non, là, il y a moyen d'avoir du discernement puis faire la part des choses, là, de contextualiser. En tout cas, il dit le pire, c'est. En plus, il me dit, t'as remplacé la parole de Dieu par la parole de BDM, LOL. LOL. Ça veut dire qu'il s'esclave. Je savais pas que c'était comique. Bon. Le pire, c'est que ceux qui suivent la parole de Dieu sont les moins manipulables. C'est parce qu'il y a tout le temps. L'être humain, il est psychologique, il est intellectuel, puis il interprète ce qu'il appelle la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on se ramasse avec des maudites conneries comme des Jesus freaks dans les aéroports, des affaires de même. Puis dans le fond, ils nuisent aux autres. Parce qu'ils donnent pas envie de la lire, la Bible, ils donnent envie de se tenir loin, loin, loin de ça. Puis bon. Prenez, là, au Québec, là, on en avait une, là, son mari puis ses fils violaient sa fille, puis elle, en cours, elle était pas au courant de rien. Pourquoi? Parce qu'elle était tout le temps dans des cercles de prière, des affaires de même. Donc, moi, c'est ça que je veux dire, par un moment donné, il faut être lucide puis voir clair ce qui est là maintenant, puis après, peut-être qu'elle va servir la parole. Mais en attendant, c'est pas un gros char, hein? Puis là, il me dit ça avec un point d'exclamation. Donc, on a affaire à. Bon. Pas pour rien que les gouvernements et les médias écrasent le spirituel. Ce qui écrase pas le spirituel en général. Au contraire, il encourage toutes sortes de spiritualités alternatives. Ce qui écrase, c'est tout ce qui est côté cohésion familiale, sociale, puis qui était lié aux sociétés traditionnelles. Puis bon, ça c'est. Il faut faire une différence entre la tactique puis la stratégie, là. Pourquoi ils font ça, là? En tout cas. Et surtout, la chrétienté en masse, ouais, je suis d'accord, c'est ce qui est le plus persécuté dans le monde comme foi. Le christianisme, puis je me suis tout le temps porté à la défense d'ailleurs. Coudonc. Puis là, il dit aujourd'hui, tu accuses les croyants d'être manipulés, certainement. Certainement, mentalement, j'accuse toute l'humanité, y compris moi. Alors que toi, avec ton BDM, tu l'es pas. Non, parce que la base de BDM, c'est de pas le croire. De vérifier. C'est une forme d'empirisme. Donc, pas mêler des choux des carottes, là. BDN n'est jamais arrivé en se montrant comme un prophète, là. Contrairement à d'autres, là. Bon. Tu peux me barrer de la chaîne aussi avec plaisir. Bon, ben, si ça peut te faire plaisir, ouais, je vais te barrer. Puis si ça continue, je vais fermer les commentaires. Je vais fermer les questions, les sections commentaires. Pour j'en veux pas des Jesus freaks complètement sautés, des anciens détenus là, qui se donnaient à ouvrir une Bible en dedans parce que ça allait pas bien, ou Dieu sait quoi. Dieu sait quoi. Bon, là, l'affaire, la foi. C'est quoi la foi? Parce que c'est votre foi, là, c'est-tu la foi en un Dieu vivant ou en un Dieu mort? La première fois que j'ai vu un tableau, il y avait une représentation, un tableau à un moment donné que j'avais vu, c'était le Christ aux enfers. Puis ça représente. Jésus, quand il était 3 jours dans le monde de la mort, puis le tableau le représentait, il monte comme. Il regarde une espèce d'instance, il regarde vers une instance, puis avec ses bras, il monte des âmes en peine. Un peu comme. Il proteste, il n'est pas content. Puis, je ne le comprenais pas, le tableau, je voyais le Christ aux enfers. Puis à l'époque, je ne comprenais pas la différence entre c'est quoi les enfers, c'est quoi l'enfer. Puis bon. Je savais pas non plus c'est quoi l'astral, ce qui était pourtant connu dans le temps. C'était que. Mais ça a été occulté avec le temps. C'est quoi l'astral? C'est quoi les autorités puis les intelligences dans les lieux célestes? Pourquoi on dit que ton règne arrive? Ça voudrait dire qu'il n'est pas encore là, hein? Il n'est pas encore là. Donc, il est aussi dit, quand vous verrez ces choses, réjouissez-vous. Donc, moi, je vois beaucoup des gens qui se disent, qui ont la foi, puis tout, mais ils sont d'une tiédeur, Puis, ce qui s'amène, c'est possiblement, vous savez, là, le jour brûlant comme un four. Et ça va y aller par là. Donc, c'est votre foi, c'est un dieu vivant ou un dieu mort? Prenez des gens qui ont connu un mysticisme authentique. Si vous alliez les voir, puis vous leur demandiez, puis ça, il y a plusieurs, je pourrais ressortir là, certains dialogues, dire, est-ce que vous croyez en Dieu? Souvent, le mystique va dire, je n'ai pas besoin de croire en Dieu parce que je sais que. Puis ils vont tout le temps parler d'un contact intime avec quelque chose qui les a touchés. Puis devant lequel ils n'ont pas le choix d'être totalement passifs. L'affaire, c'est qu'il y a une différence entre le Dieu mort. Moi, je considère que ce qui règne en ce moment sur Terre, c'est un Dieu mort. C'est le Dieu de la croyance, c'est le Dieu de la mémoire, c'est le Dieu de la connaissance. C'est un Dieu que les humains se sont fabriqués inconsciemment, puis qui a rapport avec l'âme, la mécanique de l'âme, à la fois individuelle et collective. Puis je fais la différence avec du monde qu'ils ont une foi en un Dieu vivant. Un Dieu vivant, c'est-à-dire quelque chose qui est manifeste dans leur vie de tous les jours, puis qui n'a pas rapport, qui n'a pas besoin de support comme la mémoire collective, les croyances collectives. Là, ce n'est pas un Dieu lié à de la croyance, c'est un Dieu lié à d'un savoir, à de la conscience même, on pourrait dire, jusqu'à un certain point, parce que ceci engendre cela. Donc, faire la différence, puis vous allez comprendre pourquoi il y a des fanatiques. Pourquoi il y a des fanatiques? Pourquoi ils sont violents? Pourquoi ils sont dangereux? Pourquoi ça mène tout le temps vers la mort? Parce qu'il y en a qui ont un dieu mort. Puis c'est un dieu de la mort. Puis d'ailleurs, l'astral, c'est pas très subtil tant que ça. C'est pas très subtil tant que ça. Puis moi, ben, monsieur le duc, vous me parlez là, mentalement, alors que toi, avec ton BDM, toi, t'es pas manipulé mentalement. Elle vient d'où l'idée de te beurrer les bras avec des dessins de crâne? Hein? Parce que ça, moi, je vais considérer qu'est-ce qui fait que des fois, de loin, sans avoir à parler avec quelqu'un, je vais dire, ben lui, il est astralisé solide. C'est parce qu'il va être marqué. Il va être marqué par ces forces-là. Puis souvent, ben ça va tout le temps être lié à la mort, une symbolique de mort. Fait que quand tu as les bras beurrés de crâne, puis qu'au niveau du vibratoire, tu es une petite âme sensible, parce que moi, bon, ça ne me ferait pas vibrer hein, les concerts rock et ces affaires-là. Puis ce ne sera jamais le cas non plus. Puis je regarde ça puis je me dis, bon, c'est spécial. C'est spécial, mais d'un autre côté, on pouvait s'attendre à ça. Moi, bon, si ça peut te faire plaisir, je vais te barrer. Pas de problème avec ça, Mais au moins, ça va m'avoir donné l'occasion de parler un petit peu. Bon, là, c'est en ce moment, je n'ai pas autant de temps que je voudrais. Mais il reste qu'à un moment donné, là. Hein? À un moment donné, on reconnaît un arbre à ses fruits. C'est pas des paroles de BDM, ça. BDM, c'est un petit peu comme s'il vient commenter. Puis je sais faire la différence, là. Donc, c'est quoi les intelligences, les autorités dans les lieux célestes qui manipulent l'être humain? Regarde tous les bras. Puis regarde le reste. Puis si t'es pas content, ben fume un joint de pote puis va jouer à un riff de guitare, hein, amuse-toi, mais viens pas me faire chier ici. Parce que, ouais, je peux être indulgent, puis oui, mais j'ai pas la capacité de pardonner tant que ça. Des fois, oui, ça me vient automatique, mais à ce moment-là, je considère que ça vient pas de moi. Mais non, on n'est pas obligé d'endurer ça. Bon, au moins, bon, on va avoir été clair pareil, hein? En tout cas, bye.